16-8, 78, ma date de naissance. Ça commence par un bain de sang, Lyon acquis aux urgences. Y'a pas d'argent, c'est le maquis. 18 ans, sans dire papa, ce mot-là est devenu imprécis, peu probable. Génération en sursis, les soucis dans le cartable, normie frappée d'une calvitie. Quand on lui dit, abandonne-le, t'es trop jeune, n'écoute pas un soldat, n'a pas le courage d'une daronne. J'suis pas de ces hommes qui n'ont pas de parole. Avec toi pour la vie, j'monte au casse-pipe, pas pour la gloriole. Inexplicable, ma haine est justifiée. Au CJD, mes songes de gosses sont sacrifiés. C'est nos mères qui lâchent des larmes, vu que nous on n'y arrive plus. J'rappe la tête, j'suis l'amertume avec une plume. J'titube sur le fil du rasoir. Depuis que j'ai mis la haine en tube, depuis que j'découpe les rimes, ça sert à rien. Chez nous les keufs, c'est comme l'ONU. Les petits ont faim d'adrénaline, ils montent au casse-pipe tout nu. Si j'pars, sache qu'avec le temps, la tristesse s'atténue. Big team, pleure pas, la vie continue. Fils n'écoute jamais ceux qui disent t'es nul. La vie continue le jour où tu te manges une balle dans la nuque. Ton sens vide sur le bitume, comme d'habitude, nos mères pleurent t'es nus. La vie continue, l'impact du crime. Elle passe et reste intacte. Sur le front, nos mères préfèrent la marque du jeans. Toutes ces fois où j'ai pas répondu à l'Eden. Regret éternel, ciel bien rouge comme mon ADN. La mémoire dans la bombe, les parloirs fantômes. J'ai jamais changé mon fusil d'épaule. On découvre la vie en se mangeant des coups. En huis clos, choque mon déclin, destin trop cher à mon cou. Rien à foutre, on tient les poutres. Ma génération ne tape pas dans la poudre. Moi, je dis que le passé, c'est l'avenir. Qu'à votre passé, le bonheur, on fera tout pour y parvenir. Ça, c'est un présumé, je suis pas né pour nuire. C'est juste un résumé de nos vies que j'écris la nuit. L'inspiration vient du stress, de l'ennui. De ces blessures dans le mur qui se recouvrent par l'enduit. Ça va rien chez nous les cœurs. C'est comme l'ONU, les petits ont faim d'adrénaline. Ils montent au casse-pipe tout nu. Si je pars, sache qu'avec le temps, la tristesse s'atténue. Big team, pleure pas, la vie continue. Fils n'écoute jamais ceux qui disent t'es nul. La vie continue le jour où tu te manges une balle dans la nuque. Ton sens vide sur le bitume, comme d'habitude, nos mères pleurent t'es nus. La vie continue. Ils croient qu'un clarage qu'on va laisser un ourston. Un terrain des gants de boxe, une paire de crampons. Comment pacifier un fusil à pompe? Certifié sans rature, on a laissé être fait de plomb. C'est avec le sourire qui traverse des cimetières. Verbal brolique, la tôle, c'est mortifère. Loi, y'a les solidaires, nos mères ont de quoi être fiers. C'est l'immersion royale, nique sa mère, la pénitentiaire. 90, au toupie, c'est la funk, la soupe. Nouvelle école, N2S, c'est le fond de classe, les caisses souches. Mais loin du chauffage, les cassos. Trop proche du carnage, si les gosses sont trop précoces. On en ferait pleurer, si nos vies on les détaillait. Puis tu m'expériences. Ça peut pas se monnayer. J'ai tiré le gros lot du malheur sans même acheter de billets. Un gun dans la main, c'est le prix à payer. Ça va rien chez nous les keufs, c'est comme l'ONU. Les petits ont faim d'adrénaline, ils montent au casse-pipe tout nu. Si je pars, sache qu'avec le temps, la tristesse s'atténue. Big team, pleure pas, la vie continue. Fils n'écoute jamais ceux qui disent t'es nul. La vie continue le jour où tu te manges une balle dans la nuque. Ton sens vide sur le bitume, comme d'habitude, nos mères pleurent t'es nus. La vie continue, sert à rien chez nous les keufs. C'est comme l'ONU, les petits ont faim d'adrénaline. Ils montent au casse-pipe tout nu. Si je pars, sache qu'avec le temps, la tristesse s'atténue. Bitchin, pleure pas, la vie continue. Fils n'écoute jamais ceux qui disent que t'es nul. La vie continue, du jour où tu te manges une balle dans la nuque. Ton sens vit sur le bitume, comme d'habitude, nos mères pleurent t'es nus. La vie continue, nous pisse. Parle de deur, mec. C'est pour toutes nos darons. Familia. N2S, rap de test.